إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, comme cela a été annoncé, le thème de la conférence d'aujourd'hui est comment profiter des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. En effet, ce soir, nous serons la 21e nuit du mois de Ramadan. Et la 21e nuit est donc la première des 10 dernières nuits de ce mois béni. Et ces 10 nuits, elles renferment de nombreux mérites. Et elles ont certaines particularités, comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, durant ce mois de Ramadan, il n'y a pas de doute que les gens, de manière générale, parmi les musulmans, ont été de différentes catégories. Certains ont été négligents, ont eu des manquements et ont fait preuve d'injustice envers eux-mêmes. Alors il est pour eux le moment de se réformer, de corriger leur situation et de prendre conscience que ces 10 dernières nuits qui arrivent sont la dernière ligne droite de ce mois et que ce sont les nuits les plus méritoires. Il n'est donc pas trop tard pour se réformer et corriger sa situation. D'autres se sont contentés du minimum. Il est donc demandé à ces personnes d'ajouter à leurs œuvres et de faire en sorte de multiplier les œuvres de bien durant ces nuits afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres ont déjà fait beaucoup d'efforts durant les 20 premiers jours. Ils ont fait tout leur possible pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant les œuvres de bien, en s'écartant des péchés, et inshallah ta'ala, ils vont continuer durant ces 10 nuits, et ils vont tout faire pour ajouter encore plus de bien à cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui multiplieront les efforts durant ces nuits qui arrivent devant nous. Et parmi les particularités de ces nuits, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodiguait des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits, d'une façon qu'il ne le faisait pas en d'autres nuits. Comme l'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après notre mère, Aisha, radiyallahu ta'ala anha. Et dans les deux recueils authentiques des imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, on trouve la parole de Aisha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, « Lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serrait son isar, serrait son pagne, passer sa nuit en adoration et réveiller sa famille. » Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, elle a dit, « Durant les 20 premières nuits, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, joignait entre la prière et le sommeil, c'est-à-dire qu'il priait une partie de la nuit et dormait une partie de la nuit. Puis lorsque venaient les 10 dernières nuits, il retroussait ses manches et serrait son isar, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts et passait la nuit entière dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se s'endormir. » Donc ces hadiths, ils nous démontrent de manière claire et évidente le mérite de ces 10 nuits, et ce en vue des efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodiguait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant celle-ci, d'une manière qu'il ne le faisait durant aucune autre nuit. Donc, il est légiféré pour nous durant ces nuits de veiller dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette veillée, elle a un sens général, et on l'englobe toute forme d'adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple de la prière, la récitation du Coran, le rappel d'Allah, l'aumône et autres parmi les œuvres pieuses rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te convient donc de multiplier ces œuvres durant ces nuits. Et ce, en veillant à ce que tes œuvres remplissent les deux conditions d'acceptation, qui sont, comme on l'a vu dans des cours précédents, le fait qu'elles soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. En étant sincère dans tes œuvres, en accomplissant ces œuvres avec pour objectif unique d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense, et en veillant également à ce que tes œuvres soient conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que tu vas t'éloigner de toute chose parmi les innovations et les œuvres qui n'ont pas été légiférées. Quant à la parole de Aisha radiallahu ta'ala anha, qui dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il serrait son isar, qu'il serrait son panier. Les gens de science ont dit que cela signifie qu'il s'éloignait de ses épouses afin de se consacrer à l'adoration. Et certains savants ont expliqué cela par le fait qu'il était en i'tikaf, en retraite pieuse, dans la mosquée. Et comme on a dit, il veillait toute la nuit en adoration, dans la prière, dans la récitation du Coran, le rappel d'Allah, et ce dans son sens général, que ce soit par le cœur, la langue ou le corps. Comme on l'a vu ensemble pour ceux qui étaient présents, lors du cours, sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses mérites. Donc ces nuits qui arrivent, ce sont des nuits immenses, des nuits d'une grande importance. Et il y a dans celle-ci la nuit du destin, Laylatul Qadr, celle qui vaut plus de 1000 mours. Il te convient donc de faire des efforts dans la recherche de cette nuit, la nuit du destin, Laylatul Qadr. Tu dois la rechercher durant ces nuits. Et cette recherche, elle se concrétise par le fait que tu te consacres autant que possible à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits. Et bien sûr, tu prendras aussi le temps pour le repas de la rupture, le temps pour le repas du suhur, qui sont des choses qui vont t'aider à prendre des forces pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces hadiths, ils nous démontrent également le mérite de ces nuits à travers la parole de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il réveillait sa famille. C'est-à-dire qu'il les réveillait pour la prière. Il les réveillait pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce afin qu'ils saisissent cette occasion immense d'accomplir le bien durant ces nuits. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie du bon conseil et de la loyauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa famille. Et nous avons en lui un excellent modèle à suivre. Donc le musulman, il lui convient de faire des efforts durant ces nuits. Mais il doit aussi penser à sa famille, encourager sa famille, encourager ses proches à profiter de cette occasion. Tu ne dois pas restreindre le bien à ta propre personne, mais tu t'entraides avec les membres de ton foyer. Tu t'entraides avec ton épouse durant ces nuits, tu t'entraides avec tes enfants, tu les encourages à prier, à lire le Coran, à faire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'encourages avec tes frères et sœurs, avec tes parents et ainsi de suite. En s'encourageant mutuellement à multiplier les œuvres pieuses afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir son agrément et d'atteindre le mérite qu'il y a en ces nuits. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des meilleures formes d'entraide dans le bien et la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné lorsqu'il a dit « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » et « Entraidez-vous dans le bien et la piété ». Et en même temps, ceci est une cause pour trouver l'apaisement, pour trouver la concorde et pour trouver l'amour et la solidarité entre les différents membres de la famille, et ce en s'entraidant dans le bien et la piété, et notamment durant ces 10 dernières nuits. Donc tu dois être conscient que cette occasion qui se présente à toi est une occasion immense, et il se peut qu'elle ne se représente jamais à toi, car personne parmi nous ne sait s'il sera encore du nombre des vivants l'an prochain. Donc, tu ne sais pas si tu auras encore l'occasion de jeûner ce mois de Ramadan, l'occasion de prier durant ces nuits, l'occasion de chercher cette nuit du destin qui vaut mieux que 1000 mois. Tu dois donc profiter de ces quelques nuits durant ton vivant, te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, te consacrer durant ces nuits à l'adoration de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui, comme tu le sais, ne t'a créé que pour que tu l'adores. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Tu vas donc profiter de ces 10 nuits pour te consacrer à cet objectif immense qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé, qui est la raison de ta présence sur terre. Et c'est une très grave erreur que le musulman perde ces instants précieux qui comptent parmi les moments les plus précieux de l'année. C'est une erreur de les perdre dans des futilités, ou alors de les perdre dans des distractions, ou pire encore, de les perdre dans les péchés et dans les mauvaises actions, comme ceux qui passent leur nuit devant des séries télévisées, ou alors dans des jeux vidéo ou devant YouTube et autres, parmi les choses qui ne leur sont d'aucune utilité ici-bas et qui seront pour eux source de regrets au jour de la résurrection. Tu dois être conscient que de la même manière que les croyants prodiguent des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en parallèle, le diable et son armée prodiguent de nombreux efforts afin de détourner les croyants du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. » Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, à l'exception de celui qui te suivra parmi les dévoyés. et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Donc la personne qui est sensée et qui est douée de raison, elle ne va pas prendre le diable pour allier en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais que le diable est ton ennemi. C'est ton ennemi déclaré. Son objectif est de t'égarer et de te mener au feu de l'enfer. Donc le prendre pour allié est en opposition avec la raison saine, de la même manière que c'est en opposition avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allez-vous le prendre, lui ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici dans son noble livre, يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Ô vous les gens, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Ne vous laissez pas leurrer par les biens éphémères de cette vie présente. Et que le grand trompeur, c'est-à-dire le diable, ne vous trompe pas à propos d'Allah. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. C'est à cela que le diable appelle les gens. Il les appelle au péché. Il les appelle à la désobéissance. Il les appelle à la négligence des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de les mener au feu de l'enfer. Tu dois donc prendre conscience de l'importance de lutter contre ton âme et de lutter contre le diable afin de te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment durant ces nuits bénies. On compte aussi parmi les spécificités de ces 10 dernières nuits, comme vous le savez, que se trouve en celle-ci la nuit du destin. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et cette nuit est une nuit bénie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrite dans son noble livre lorsqu'il a dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah ». Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, en une nuit bénie. Et cette nuit bénie, c'est la nuit du destin. Et c'est une nuit bénie en raison des nombreux biens, des nombreux mérites et des nombreuses bénédictions qu'elle comporte. Et parmi ces bénédictions, le fait que c'est en cette nuit que le Coran est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Al-Qadr, cela a le sens de la grandeur, de la noblesse, de la grande valeur. Car cette nuit, comme vous le savez, elle est d'une valeur éminente. Elle est d'une noblesse immense. Et cela a aussi le sens du décret et du destin. Car c'est durant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui se passe durant l'année. Il a ensuite dit « Laylatul qadri khayrum min alfi shahr ». La nuit d'Al Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, elle est meilleure que 1000 mois en termes de mérite, en termes de valeur et en termes de récompense. Meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire qu'une prière que tu accomplis durant cette nuit, elle est meilleure qu'une prière accomplie durant 1000 mois. Une sadaqa que tu fais durant cette nuit, elle est meilleure qu'une sadaqa faite durant 1000 mois. Le rappel d'Allah, la lecture du Coran que tu fais durant cette nuit, et autres parmi les adorations, cela est meilleur que toute adoration faite durant 1000 mois. Donc tu vois le mérite immense de cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Quiconque passe la nuit du destin en veillée, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Tous ces péchés, ces mauvaises actions, comme on a dit, à condition qu'elles s'écartent des grands péchés, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et on a dit que sa veillée, elle se passait dans quoi? Elle se passe dans les œuvres de bien. Pas seulement la prière, mais tu la passes dans la prière, la lecture du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et autres œuvres parmi les adorations qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc aux musulmans de prodiguer des efforts pour rechercher Laylat al-Qadr, la nuit du destin, et ce durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, avec foi au mérite de cette nuit, et au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré de multiplier les œuvres de bien durant cette nuit, en espérant la récompense, c'est-à-dire en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veilles avec foi et en espérant la récompense, et que cela coïncide avec cette nuit, la nuit du destin, tu obtiendras alors sa récompense même si tu n'en as pas connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition que tu saches quelle est cette nuit. Mais tu veilles ces 10 nuits, et ainsi tu seras sûr d'avoir atteint cette nuit, inshallah ta'ala. Allah ensuite dit, تنزل الملائكة والروح فيها. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. Les anges, ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ainsi sont les anges. Donc les anges, durant cette nuit, ils descendent sur terre et ils sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala avec le bien, la bénédiction et la miséricorde. والروح, c'est Jibril alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné plus particulièrement de par sa noblesse et son rang éminent. Salamun hiya, elle est paix, elle est salut. C'est-à-dire que la nuit d'Al-Qadr, c'est une nuit de paix et de salut pour les croyants. Et ce car, nombreux parmi les croyants sont affranchis du feu de l'enfer durant cette nuit. Ils sont donc ainsi préservés du châtiment. Cette nuit est donc paix et salut pour eux. Hatta matla'il fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, elle se termine à l'apparition de l'aube, à l'heure du Fajr. Tu as donc cette opportunité de pouvoir te consacrer à l'adoration de ton Seigneur jusqu'à l'aube. Non pas comme on l'a dit, comme le font certaines personnes qui font la prière et retournent aux futilités. Mais si tu as terminé de prier, il y a d'autres adorations qui sont légiférées pour toi. Tu peux encore lire le Coran, tu peux faire du dhikr, multiplier l'imploration du pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, multiplier le tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu peux également invoquer Allah, lui adresser tes demandes, afin qu'il t'accorde de ses bienfaits, ici-bas et dans l'au-delà. Et tout ceci fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est légiférée en ces nuits. Et c'est ainsi qu'on profite de ces nuits, en multipliant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous ses différentes formes, la prière, lecture du Coran, le rappel d'Allah, l'invocation et ainsi de suite. Donc on voit à travers cette sourate les différents mérites de cette nuit. Premièrement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran durant Laylat al-Qadr. Ce Coran qui a été révélé comme guide pour l'humanité, afin que les hommes obtiennent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ceci est donc un des mérites immenses de cette nuit. Deuxièmement, elle est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire qu'une œuvre accomplie durant cette nuit est meilleure qu'une œuvre accomplie durant 1000 mois. C'est donc un mérite immense et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Troisièmement, parmi les mérites que l'on voit à travers cette sourate, il y a le fait que les anges descendent durant cette nuit. Et comme on a dit, ils ne descendent qu'avec le bien, la bénédiction et la miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, parmi les mérites de cette nuit, il y a le fait qu'elle est paix et salut. Comme on a dit, car nombre de serviteurs sont affranchis du feu en cette nuit. Parce qu'ils accomplissent de nombreuses œuvres pieuses, de nombreuses adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit. Donc, ces œuvres pieuses, ces adorations qu'ils accomplissent, elles sont une cause pour qu'ils soient affranchis du feu de l'enfer. Et cette nuit est donc, pour eux, paix et salut. Et enfin, cinquièmement, on voit à travers cette sourate que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait descendu une sourate entière à son sujet, qui est récitée par les musulmans et ce jusqu'au jour de la résurrection. Ceci nous démontre les mérites de cette nuit. C'est donc une nuit immense. Une occasion qui ne doit pas échapper aux serviteurs. Une occasion qui ne doit pas échapper aux musulmans. Mais tu dois plutôt faire des efforts afin de passer cette nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après avoir pris connaissance de ses mérites, il n'y a pas de doute que toute personne parmi nous souhaite certainement avoir connaissance de la date de cette nuit. Quand a-t-elle lieu? Chacun de nous souhaite savoir quand cette nuit a lieu afin de pouvoir se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en celle-ci. Toutefois, cette nuit, elle nous a été dissimulée. Nous n'avons aucune certitude quant au moment où elle a lieu. On sait avec certitude qu'elle a lieu durant le mois de Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran durant Laylat al-Qadr et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a descendu le Coran durant le mois de Ramadan. Donc on sait avec certitude qu'elle a lieu durant le mois de Ramadan. On sait aussi qu'elle a lieu durant les 10 dernières nuits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez la nuit du destin durant les 10 dernières nuits de Ramadan ». Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim Rahimahum Allahu Ta'ala. On sait aussi qu'il y a plus de probabilité qu'elle soit durant une nuit impaire. Plus de probabilité, mais ce n'est pas une certitude. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, Rahimahullahu Ta'ala. Et il y a aussi d'autres hadiths qui prouvent qu'il est plus probable qu'elle soit durant les 7 dernières nuits, et que la nuit la plus probable est la 27e nuit. Malgré cela, il est confirmé que cette nuit n'est pas fixe. Elle se déplace durant les 10 dernières nuits. En effet, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu lieu une année durant la 21e nuit. Donc les nuits impaires sont les plus propices, et la 27e nuit est la plus propice. Mais quiconque fait des efforts durant les 10 dernières nuits, sans exception, en priant durant cette nuit, en multipliant la lecture du Coran, en multipliant le rappel d'Allah à l'invocation, et autres parmi les œuvres de bien, alors il aura avec certitude atteint la nuit du destin, inshallah ta'ala. Quant à ceux qui ont la conviction que la nuit du destin a lieu en une nuit déterminée, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne redoublent d'efforts que durant cette nuit-là. Puis, ils se laissent aller dans la paresse ou dans les futilités durant les autres nuits. Alors ceci est une erreur pour plusieurs raisons. Premièrement, car c'est une information de l'invisible. On ne peut donc pas affirmer avec certitude que cette nuit a lieu en telle ou telle nuit. Deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces signes durant une année, c'est-à-dire qu'il a su quelle était cette nuit. Malgré cela, il a continué son irtikaf, il a continué sa retraite pieuse dans la mosquée, et il a continué de redoubler d'efforts jusqu'à la fin du mois. Ce qui nous montre donc qu'il est légiféré de multiplier les efforts durant l'ensemble des 10 dernières nuits. Et troisièmement, en faisant cela, en ne faisant des efforts qu'une seule nuit, alors la personne, elle se prive elle-même de la récompense des efforts qu'elle pourrait faire durant les autres nuits. Et d'autant plus, comme on a dit qu'il est possible que ce n'est pas une certitude qu'elle soit en une nuit précise. Donc par sa sagesse et sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé cette nuit. Et il ne nous a pas informé de la nuit où elle a lieu. Et ceci est une sagesse et une miséricorde. Une sagesse afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue le véridique du menteur. Car celui qui désire le bien, celui qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui désire réellement sa récompense, alors il est facile pour lui de veiller pendant 10 nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourrait même veiller pendant 20 nuits ou plus encore, pour rechercher la nuit du destin. Car celui qui désire vraiment une chose, qui est véridique en cela, il va faire des efforts pour l'obtenir. Prenons un exemple, parmi les exemples de la vie mondaine. Imaginez qu'un patron propose un travail et qu'il dise « durant ce mois », même pas dire pendant 10 jours, mais il va dire « durant ce mois, celui qui travaille toute la nuit, durant une des nuits de ce mois, et je ne vous informe pas laquelle c'est, alors je lui donnerai le salaire de 1000 mois. » Que vont faire les gens pour obtenir ce salaire de 1000 mois? Ils vont travailler toutes les nuits durant ce mois, et aucune nuit ne va leur échapper, car ils n'auront pas la certitude de quelle est cette nuit. Ils vont donc faire des efforts pour atteindre cette nuit et obtenir ce salaire de 1000 mois, car c'est un salaire immense, un salaire qui n'est pas négligeable. Ils vont donc faire des efforts pour l'obtenir. Pourquoi? Par désir de ce bien éphémère parmi les biens vils de ce bas monde. Et ceci nous prouve à quel point les cœurs sont attachés à la vie d'ici-bas. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il a caché cette nuit durant 10 nuits seulement. 10 nuits qui vont très vite passer. 10 nuits, si tu les consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu multiplies, que tu redoubles d'efforts durant ces nuits, tu obtiendras pour les œuvres que tu auras accomplies durant la nuit qui aura coïncidé avec la nuit du destin, une récompense meilleure que 1000 mois. Non pas 1000 mois seulement, mais meilleure que 1000 mois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a dissimulé cette nuit afin de distinguer entre le véridique et le menteur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs véridiques. Quant à celui qui ne désire pas le bien, il n'y a pas de doute qu'il sera pris de paresse. Il se dira peut-être que, comme il ne connaît pas précisément cette nuit, il n'y a pas de raison à ce qu'il se fatigue chaque soir. Wallahu musta'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala distingue par cela entre ses serviteurs qui désirent vraiment le bien et ceux qui ne sont pas véridiques et qui ne le désirent pas. Et ceci fait donc partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi une miséricorde, car cela te pousse et t'incite à multiplier les adorations que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits. Car si la nuit du destin était connue, durant combien de nuits les gens auraient redoublé d'efforts? N'auraient redoublé d'efforts que durant une seule nuit. Et ils seraient contentés de faire des efforts moindres durant les autres nuits. Mais comme celle-ci est inconnue, qu'elle est dissimulée durant ces 10 nuits, ceci te pousse à redoubler d'efforts durant 10 nuits. Et ainsi, tu augmentes tes récompenses que tu trouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que certains disent « Mais il ne m'est pas possible de veiller. En effet, je travaille. Je dois me lever tôt le matin, je ne pourrai pas passer ces nuits entièrement en veillée. Donc, comment faire? Comment faire pour profiter de ces nuits? La réponse est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme une charge qu'elle ne peut supporter. Toutefois, il te convient de t'organiser pour consacrer un maximum de ta nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il convient pour cela que tu t'organises durant la journée afin de trouver un moment de repos, un moment où tu vas faire une sieste, te reposer, afin de pouvoir passer une partie de cette nuit autant que possible dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Celui qui est sincère et qui accomplit une œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui laissera pas perdre la récompense de son œuvre. Tu ne dois donc pas mépriser cette œuvre de bien par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois espérer la récompense en cela, en étant sincère et comme on a dit en cherchant à te conformer à la sunna. Et comme on l'a dit déjà dans des cours précédents, l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, aussi minime soit-elle. Donc ne méprise rien parmi les œuvres de bien, même si tu n'as pas la capacité de veiller la nuit et de rester réveillé, alors le moment où tu es réveillé, consacre-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, il ne convient pas à la personne douée de raison de mépriser quoi que ce soit parmi les récompenses. Wallahi, lorsque l'un d'entre nous sera dans sa tombe, il aura comme souhait de revenir sur terre, ne serait-ce que pour ajouter le poids d'un petit grain à la balance de ses bonnes actions. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Il ne sera plus possible de revenir en arrière. Mais alhamdulillah, nous sommes encore vivants. Il est encore possible pour nous de multiplier des efforts. Mais on ne sait pas à quel moment la mort viendra. Car chacun de nous ignore le moment de sa mort. On doit donc s'efforcer de faire des œuvres, autant que possible, tant que nous sommes vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans un hadith, il n'y a pas une personne qui meurt sans qu'elle ne regrette. Il n'y a pas une personne sans qu'elle ne regrette. Si elle était bienfaisante, elle regrettera de ne pas avoir ajouté à sa bienfaisance. Celui qui faisait le bien, il va regretter de ne pas avoir encore fait plus de bien. Et si elle était malfaisante, elle regrettera de ne pas s'être repentie. Donc tant que tu es encore vivant, il n'est pas trop tard pour te repentir, te réformer et multiplier les œuvres de bien afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, tu ne méprises aucune œuvre parmi les œuvres de bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préserve-toi du feu de l'enfer, même si ce n'est que par une demi-date que tu donnes en aumône. Même si ce n'est qu'une demi-date. Tu ne méprises rien, aucune aumône. Tu ne méprises aucune œuvre, aussi moindre soit-elle. Tu ne méprises aucune minute que tu peux consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi courte soit-elle. Tu multiplies les œuvres de bien autant que possible. Et parmi les œuvres recommandées spécifiquement durant cette nuit, il y a l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, et qui est le fait de dire « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ô Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Médite sur cette invocation immense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aisha. Cette invocation que tu dois multiplier durant ces nuits dans lesquelles se trouve la nuit du destin qui vaut mieux que mille mois. Et parmi les bénéfices tirés de ce hadith et de cette invocation, il y a le mépris que la personne doit avoir pour elle-même. Car lors de cette nuit, dans laquelle tu vas faire des efforts, inshallah ta'ala, tu vas multiplier les œuvres de bien. Il était probable que l'homme s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant un bien ou une grâce. Au lieu de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la demande du pardon. La demande d'une personne ayant commis des excès, la demande d'une personne fautive, la demande d'une personne injuste envers elle-même. C'est-à-dire que cette invocation, elle va t'aider à prendre conscience que quoi que tu fasses, tu as des manquements et tu as besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis « Allahumma innaka afuun tuhibbu l'afwa fa'fu anni. » Oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et ceci va t'aider à ne pas être pris de vanité et d'orgueil en raison de tes œuvres. Ces œuvres que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu sais qu'en réalité, ces œuvres, elles ne représentent que très peu vis-à-vis du droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi. Tu ne dois donc pas penser que tes œuvres sont une faveur de ta part envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois être conscient que le fait que tu aies pu accomplir ces œuvres, cela est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Car si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il t'aurait égaré, il t'aurait éloigné de la voie de la droiture. Donc le fait d'être guidé, le fait d'être sur la bonne voie, le fait d'avoir été guidé à l'islam, d'avoir été guidé au suivi de la sunna, d'avoir été guidé à la voie de la droiture, à la voie du bien, à la voie de l'accomplissement des bonnes œuvres, ceci est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Et ce n'est pas toi en faisant des œuvres qui fais les faveurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Être reconnaissant envers lui et dire Alhamdulillah illadhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc en résumé, comme on a dit, durant ces 10 dernières nuits se trouve la nuit du destin, cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et on ne sait pas dans quelle nuit elle se trouve. Donc, il convient à chacun d'entre nous de faire des efforts durant ces 10 dernières nuits autant que possible. Celui qui a la possibilité de veiller durant ces nuits, c'est-à-dire de ne pas dormir et de rester en adoration, alors qu'il le fasse. Qu'il veille durant ces nuits, mais qu'il prenne garde à ne pas perdre de son temps précieux. Mais qu'il consacre bien son temps, cette veillée, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu veilles, pour au final tomber dans des futilités ou des péchés, ceci ne sera pas à ton avantage. Mais tu veilles, tu restes réveillé, pourquoi? Pour multiplier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces adorations, quelles sont? Celles qui sont légiférées afin de profiter de ces nuits. Premièrement, il y a la prière. Car la prière de nuit est fortement recommandée durant le mois de Ramadan, de manière générale, et plus précisément durant ces 10 dernières nuits. Comme durant les autres nuits de Ramadan, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est de faire cette prière en 11 unités. Donc tu accomplis ces 11 unités de prière, en prolongeant la station debout dans la récitation, en multipliant autant que tu peux la récitation du Qur'an, en prolongeant tes inclinaisons et tes prosternations. Dans tes inclinaisons, tu les prolonges et tu multiplies le tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, et ainsi de suite. De la même manière, lorsque tu te relèves de l'inclinaison, tu prolonges cette station. Tu dis Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et ensuite, tu peux dire li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, afin de prolonger cette station debout en prière. Ensuite, tu vas te prosterner. Tu fais le tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Et tu multiplies les invocations que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de cette nuit pour prolonger tes prosternations. Ces prosternations qui est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. Tu prolonges ces prosternations et tu multiplies les demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les biens de ce bas monde et les biens de l'au-delà. Et également entre les deux prosternations, tu restes assis, tu prolonges cette station et tu dis Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Et tu répètes cette parole afin de prolonger chacune des positions de ta prière. Une fois que tu as terminé cette prière, il y a d'autres adorations qui sont légiférées. Tu peux lire le Coran en multipliant sa lecture et lire autant que possible. Également, tu peux multiplier le rappel d'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ainsi de suite parmi les formules de rappel légiférées. Également, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, tu peux faire des sadaqat. Tu peux faire toute œuvre qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel est que tu passes ces nuits en veillée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, celui qui n'a pas les capacités de veiller, en raison de certaines obligations qui lui incombent, alors il fait en sorte de passer le maximum du temps qu'il peut durant ces nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une question qui revient souvent en ces nuits, et qui est le fait que certaines femmes, étant donné qu'il se peut que durant ces nuits elles ne puissent pas prier, alors elles pensent que le mérite de ces nuits va leur échapper. Et ceci les attriste. Ceci est une erreur. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas prier que tu ne peux pas accomplir d'autres œuvres pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu, les œuvres, elles sont multiples. Il n'y a pas que la prière. Tu peux multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier l'imploration du pardon, multiplier cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à Aïcha. Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Tu multiplies le dhikr, subhanallah, alhamdulillah. Et également, tu peux lire le Coran. Et il n'y a pas de mal à le toucher, selon l'avis authentique parmi les avis des gens de science. Car il n'y a aucune preuve interdisant à la femme qui ne peut pas prier de toucher le mushaf. Et si tu veux faire preuve de prudence, au vu du grand nombre de savants qui ont interdit de toucher le mushaf lorsque la femme ne peut pas prier, alors il t'est possible de lire le Coran à travers un support électronique, comme avec l'ordinateur, le téléphone ou autre. Car ceci n'a pas le jugement du mushaf. Et la lecture n'est pas interdite, notamment durant ces nuits qui sont méritoires. Donc celle qui ne peut pas prier, alhamdoulilah, les portes du bien, elles sont ouvertes devant elle, et lui est possible de profiter de ces nuits. Ceci était donc un rappel sur l'importance de ces 10 dernières nuits et les moyens d'en tirer profit. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de ses grâces et de ses bienfaits durant ces nuits Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous l'éveiller dans l'adoration et de nous compter parmi ceux qui veilleront ces nuits avec foi et en espérant la récompense et qui veilleront durant la nuit du destin également avec foi et en espérant la récompense. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.